Chapitre 45e, il faut en finir à la fin. Tout tangente encore, comme un mouton qui a un ver dans la tête, Madame Vernet monte en peignoir à ma chambre. Henri, avez-vous bien dormi? Madame Vernet. Monsieur Vernet n'a fait que gigoter, et je suis comme s'il m'avait battu. Henri. Le mal de mer réconcilierait les chairs les plus ennemies. Car nous nous disputons, amants véritables, pour bien nous prouver notre amour. Une fois j'ai tiré la targette de la porte, et je n'ai ouvert qu'après 3 appels coulés dans la serrure. Une autre fois, il m'a fallu lui demander longtemps. Qu'avez-vous? Qu'avez-vous? Elle ne me répondait pas, et regardait au loin par l'œil de bœuf, sorte de statue de la bouderie en négligé du matin. Nous nous devenons insupportables. Notre contrainte nous exaspère. Madame Vernet a assez joué à la muse. J'ai suffisamment apprécié l'excellence de son âme. D'abord, dis-je, moi, je ne travaille plus. Madame Vernet. Suis-je une femme frivole? Et pensez-vous que cette situation ne me soit pas aussi pénible qu'à vous? Je vous aime, je vous l'ai avoué, je vous le redis. Henri. Prouvez-le-moi. Ne vous ai-je pas accordé un assez long sursis? Jusqu'à quand ferez-vous la fleur qui se referme quand on la touche? Est-ce pour donner plus de prix à vos faveurs que vous les économisez avec ladrerie? Vieux jeu, ça, madame. La peur de perdre vous fait tricher. Madame Vernet. Ne commencez pas à mettre votre malice en calembour. Je vous ai dit, à Paris, et je n'ai qu'une parole. Elle a raison. Elle ne peut pas tomber là, en fille, sur une chaise. La chute d'une femme comme elle exige des préparatifs, un cadre, plus de sécurité, la certitude que nous pourrons tranquillement réparer le désordre de notre toilette. Je m'entête pour la forme. Je lui montre une feuille de papier blanc sur ma table. Henri. Elle est là, depuis 8 jours. Ma plume me paraît lourde comme un instrument de travail. Et vous m'avez mis dans un tel état d'énervement que j'ai perdu le goût des belles lectures. Madame Vernet, c'est ce qui me désespère. Dieu m'est témoin que je ferais à l'instant, s'il le fallait, si c'était une chose possible, le sacrifice de mon triste honneur pour vous sauver. Je vous le déclare sans rougir, je me livrerai sans hésiter quand je vois ainsi désœuvré, arrêté dans votre œuvre par ma faute, et je cherche, oui, je voudrais trouver l'oreiller où pourront se poser nos deux têtes. L'oreiller où pourront se poser nos deux têtes. J'incline la mienne sur son épaule. Vous m'aimez donc? Pas comme tu crois. Nous nous balançons, nous soutenons l'un l'autre, et poursuivis jusque dans mes expansions par je ne sais quel esprit de cabotinage, je remarque dans un vieux morceau de miroir pendu à une planche l'effet de notre accouplement. J'ai la joue collée au cou puissant de Madame Vernet et le nez enfoui dans l'ouverture de son peignoir. « Je vous crois, dis-je, et j'attendrai avec confiance, mais au moins donne-moi tes lèvres. Tiens, tiens vite, dit-elle aux écoutes. C'est une religieuse qui embrasse son cousin à travers une grille dans un parloir. Toujours prudente, elle a entrouvert la porte. Je ne me presse pas, et je prends, j'aspire ma poitrine dans la sienne, ce qu'elle m'abandonne de souffle humide. C'est ça que tu veux? Tais-toi, lui dis-je, les dents serrées. Nos lèvres se remêlent dans un baiser qui n'en finit plus, douloureux à force d'être long, amer parce qu'après il n'y aura rien. Un baiser qui nous laisse trop le temps de penser à autre chose. Enfin, le pas de M. Vernet nous dérange. En hâte, nous nous efforçons à l'insignifiance. Chapitre 46e. Proposition. M. Vernet. Bichette, as-tu fait la commission à Henri? Madame Vernet. Tiens, je n'y pensais plus. Ils sont embarrassés et passent la parole l'un à l'autre. Dis-toi. Dis plutôt toi. Madame Vernet. Mais nous allons être indiscrets. Henri. Je vous arrêterai à temps. Allez toujours. Madame Vernet. Voilà. Marguerite désire prendre des leçons de natation, et comme il n'y a pas de moniteur ici, nous avons pensé à vous. Henri. Pour lui en faire venir un. Madame Vernet. Pour le remplacer. Henri. Pour être le professeur de nage de Mademoiselle Marguerite. Madame Vernet. Oui. Henri. Tiens. Madame Vernet. Vous voyez, cela vous ennuie. Henri. Pas du tout. Mais je me demande si je serai à la hauteur de mes fonctions. J'apporterai la bonne volonté nécessaire. Madame Vernet. Elle n'abusera pas de vos instants. Je me gratte le menton. Et, dis-je, flanquant chacun de mes mots d'un point d'interrogation, vous ne trouvez pas que c'est un peu... Madame Vernet hoche la tête. Cela se fait, c'est reçu. Monsieur Vernet, quel mal y a-t-il ? Il me rassure. Madame Vernet, le monde n'est pas méchant à ce point. Monsieur Vernet, je me moque du monde. Honteux de mes vilaines idées, de me montrer le plus immoral des trois, je m'écrie. Parfait, nous sommes chez nous. Que ceux qui ne sont pas contents aillent le dire à Rome, conclut Monsieur Vernet, qui souvent me prend, preste, mes expressions à même la bouche. Madame Vernet, sera-t-elle heureuse, cette chère Marguerite ? J'ai toujours regretté de ne pas savoir nager. Si j'étais plus jeune, vous auriez deux élèves. Mais il est trop tard, n'est-ce pas, Victor ? Monsieur Vernet, ce n'est pas que tu sois vieille, mais je t'accorde que cet exercice n'est plus de ton âge. Non que je le trouve inconvenant, mais franchement, c'est moins l'affaire d'une femme mariée que d'un homme comme moi, par exemple. Et mon cher ami, quand vous aurez un petit moment, une minute, après la leçon de Marguerite, oh, sur le dos seulement, le reste me connaît. Henri. Entendu, cher monsieur Vernet, mes bras vous seront ouverts. Madame Vernet, je vous regarderai, moi. Monsieur Vernet, cela vaudra mieux. Qu'en pensez-vous, Henri ? Henri, en effet, quoi qu'après tout. Monsieur Vernet, je méprise autant que vous l'opinion des autres, mais il y a des bornes. Henri, vous avez raison. Déjà, comme professeur, je vante ce que j'enseigne. Il est des passerelles vermoulues. On peut tomber au milieu d'une rivière, que faire ? Monsieur Vernet, si quelqu'un se noie sous nos yeux... Henri, il faut le laisser se noyer, monsieur Vernet. N'allons pas si vite. Votre bon cœur vous emporte. Ne tentez jamais la mort. Monsieur Vernet, c'est vrai. Quand commençons-nous ? Henri, demain, si vous voulez. Monsieur Vernet, c'est dit. J'appelle Marguerite pour lui annoncer la bonne nouvelle. À propos, est-il besoin de quelque appareil ? Henri, non, j'opère seul, sans outils, les manches simplement relevées. Tout le monde peut voir. Rien dans les mains, rien dans les pieds. N'achetez qu'une ceinture pour Marguerite. Vous savez, une ceinture de gymnastique avec un anneau, une boucle, je puisse mettre mon doigt. Chapitre 47e. Les idées de Mademoiselle Marguerite. Elle est singulière. Elle ne fait pas de mots. Elle n'a pas une théorie à elle sur l'homme, l'amour et le mariage. Elle joue, et si je pose, ne s'en aperçoit pas. Nous parlons de son couvent, des chères sœurs, de ses amis, et nous nous adressons mutuellement des questions de géographie et d'histoire. Il m'est impossible d'en obtenir une confidence graveleuse, dont elle me chatouillera le creux de l'oreille comme avec une plume. Elle ne cache rien, elle ignore. Je tâche de connaître sa pensée de derrière les reins, elle n'en a pas. C'est surprenant. Elle sort du couvent et n'est point corrompue jusqu'au moelle. Elle a lu, sans les comprendre, les inscriptions des cabinets. Elle a passé entre les mignarderies perverses des petites amies et les sensuelles chatteries des sœurs, candides, toutes fraîches. Voilà qui me déroute. Je m'acharne en confesseur. Qu'est-ce que vous faisiez au couvent ? Elle recommence avec volubilité. On se levait, on priait, on mangeait. On repriait, on faisait la classe, on cousait, on jouait, on se couchait. C'est tout. Oui, êtes-vous drôle ? Je regarde au fond de ses yeux, penché au bord de leur eau claire. Qu'est-ce que vous avez à me fixer ainsi, comme ça ? Vous voulez jouer à celui qui fera baisser les yeux de l'autre ? Nous nous obstinons. J'en ai mal aux prunelles. Elle veut avoir le dernier regard. J'ai affaire à une rouée vicieuse qui déjà peut-être connaît l'homme. Elle n'en a pas peur. Et j'ai du bleu au bras autant qu'une femme de lettres à ses mollets. Car nous luttons pour nous reposer de nos causeries instructives. Le combat s'engage par de petites tapes vite lancées, aussitôt rendues. Les coups de poing suivent, enfin l'empoignement. Elle me donne de la tête en plein estomac. Je mets la main sur mon cœur, j'aspire une bouffée d'air et je dis « fameux ». Dans les entr'actes, nous faisons rouler nos biceps. Puis on se reprend, front contre front, les poignets tenaillés, les jambes nouées. Si je la soulève comme un plomb, elle mord. « Ah ! » dis-je en m'asseyant par terre. « Quand vous aurez un mari, ça tapera dur. »« J'en veux un fort, » dit-elle. « Fort et gros, un percheron. De quelle couleur ? Brun, naturellement. Non, plutôt noir, avec de la barbe. Vous n'aimez pas les rouges. On dit qu'ils sentent mauvais. Merci. De rien. Encore une partie, voulez-vous ? Encore une, » dis-je, résigné. Et pareil à des béliers furieux qui cossent, nous nous chassons d'un bout du jardin à l'autre, frappant du pied le sable qui crie, poussant des clameurs, grinçant des dents, sauvage. Monsieur et Madame Vernet font des paris. Celle-ci intervient. Madame Vernet. Tu as ça, Monsieur Henri. Henri. Laissez-la. Madame Vernet. Jouez donc, enfant que vous êtes, jouez à perdre haleine. À vigoureux coup de genou, Marguerite me fait faire le tour du jardin. Je me crois au cirque. Je baisse et redresse brusquement la tête en cheval savant et je mets les deux pieds sur les plates-bandes. Ensuite, il faut sauter à la corde, exécuter des doubles, fournir du vinaigre. Enfin, Marguerite se rend. Elle se couche sur le ventre. Dans l'herbe, le souffle haletant ébat la mesure du bout de ses bottines à petits coups de plus en plus espacés jusqu'à ce que le pied retombe mollement pour ne plus se relever. Sa lourde natte de cheveux s'immobilise comme un reptile qui digère et s'endort. Monsieur Vernet, quelle gamine. Madame Vernet, oh, jeunesse. Henri, quelle forte fille. Monsieur Vernet, et rieuse. Madame Vernet, et pas méchante. Henri, et bonne. Monsieur Vernet, et aimante. Nous défilons le chapelet aux perles blanches. Monsieur Vernet, toutefois je ne la crois pas des plus intelligentes. Henri, et ne trouvez-vous pas, vous, Madame Vernet, qui l'a peignée, qu'elle a dans ses cheveux une odeur? Madame Vernet, en outre, elle est trop grasse. Hier soir, je suis entré dans sa chambre, la petite dormait, les poings fermés, la bouche en ballon. J'ai relevé le drap. Elle a au ventre et aux cuisses des plis de chair qui font peur. Henri, à son âge, quel malheur. Madame Vernet, elle deviendra grosse. Monsieur Vernet, énorme. Henri, difforme. Nous défilons le chapelet au grain noir. Chapitre 48e, première séance. Aujourd'hui, premier tripotage de Mademoiselle Marguerite, jeune fille de bonne famille, par M. Henri, homme de lettres. Des deux, c'est moi le moins hardi. Madame Vernet, il faut que ce soit vous pour qu'on vous confie un tel lys. Par quel bout vais-je la prendre? La petite plage a son aspect accoutumé. Le phtisique sur son pliant se tourne mélancolique et pâle vers le soleil, et déjà les villards se font des gracieusetés dans l'eau. Au pied des cabines, c'est un campement de messieurs qui se sèchent dans leur peignoir, ou de dames qui travaillent, et après chaque point de tapisserie, regardent le ciel. Mais un mouvement d'attention se produit, il va se passer quelque chose. Henri, êtes-vous prête? Marguerite, voilà, voilà. Sa ceinture de gymnastique lui serre les reins. Elle saute autour de sa cabine en faisant piaf, me donne un bout de doigt que je saisis au vol comme un écuyer, et nous nous élançons vers la mer. Tiens, tiens, quel étonnement. Nous aimantons les regards. Marguerite jette, à la sensation de l'eau froide, quelques ruades qui font valoir sa jeune croupe, frappe en plein dans la surprise de tous, emporte le morceau. Du calme, lui dis-je, s'il vous plaît. Mais elle me tire, m'entraîne, m'éclabousse. Je suffoque, car j'ai l'habitude au bain de craindre l'eau comme le feu, de prendre mes précautions avec la vague, de me livrer à elle portion par portion. Je m'y assieds ainsi que dans un fauteuil, en me relevant deux ou trois fois comme si je l'essayais. Quand j'en ai au ventre, je m'arrête. C'est le passage difficile. J'imite de la bouche le bruit d'un pot qui boue. Il me semble qu'on me coupe en deux avec un fil à beurre glacé, ou que je change de chemise dans la rue au mois de décembre, les bras levés, enfilant des manches de neige. D'un coup, Marguerite a changé ma méthode. Nous barbotons et je me cramponne à elle pour la soutenir. N'ayez pas peur, lui dis-je. Elle n'a pas besoin d'être rassurée, et battant l'air à tour de bras, elle fait un tapage de phoque en récréation. Mademoiselle, permettez. Docile, enfin, elle me tourne le dos. Je passe un doigt sous la boucle de sa ceinture, et je promène mon élève sur le flot en lui donnant des explications. Levez le menton, creusez les reins, les pieds ensemble, doucement les mains. Elle fait ce qu'elle peut, se dépêche, avale de l'eau salée, crache et me déséquilibre à coups de talon dans les jambes. Le phtisique a approché son pliant près du bord. Je pense qu'on rit sur la plage, de moi surtout, de ma maladresse de professeur. J'ai envie de laisser Marguerite couler au fond et de m'en aller nager au loin. Vraiment, malgré mes explications et sa bonne volonté, elle exécute les mouvements de travers. Je lui donne des claques sur ses mollets, ses épaules, sur tout ce qui ressort. Mademoiselle, Ne vous mettez donc pas en chien de fusil. » Tantôt elle se dresse et prend pied, tantôt sa tête tombe et je la lui soutiens en creusant ma main sous son menton. Elle tourne dans la ceinture trop large. Ça ne va pas du tout. Je voudrais être à 100 pieds sous mer. J'ai contracté un engagement qu'il me faudra tenir. Cette nuit, sur mon lit, je préparais mon cours en faisant avancer et reculer ma couverture de voyage roulée dans sa courroie. « Mademoiselle, vous me fatiguez. »« Assez pour cette fois. Allez-vous-en. »« À mon tour, » me crie M. Vernet, qui attendait assis sur les galets. « ah mais non, demain, un autre jour. » Je fais le sourd, m'étire, et je m'éloigne du côté du large, coupant la lame rageusement, avec un grand bruit dans les oreilles, pareil à un éclat de rire. Chapitre 49e, cours complet. La leçon de Marguerite est le spectacle du matin. Les baigneurs ne manquent pas d'y assister. Ils jugent des pauses. Je ne suis point mécontent. Marguerite progresse. Et il faudrait être de mauvaise foi pour le contester. Je connais mieux mon affaire. Mes études dans ma mansarde, mes exercices de cabinet donnent un excellent résultat et je suis en possession de mes moyens. Afin de me consacrer entièrement à l'instruction de Marguerite, j'ai écarté M. Vernet en le soutenant mal, en lui faisant boire une gorgée d'eau, en lui montrant par un tremblement factice de tout mon corps qu'il était de trop et que s'il s'obstinait, je mourrais à la peine. Au contraire, j'ai dit à Marguerite, « Je veux vous soigner et faire quelque chose de vous. » « Oh, dit-elle, apprenez-moi bien à nager. » Je n'éprouve plus à la manier la gêne du premier jour. Mes mains vont, viennent librement, moins de paroles, des exemples. Je ne dis pas « Faites marcher les jambes. » Mais, d'une main, la tenant fortement par la boucle, de l'autre, je prends un de ses pieds. Je l'amène jusqu'à la cuisse et le renvoie avec vigueur. Je le lâche lorsque le mouvement est exécuté d'une manière satisfaisante et je dirige l'autre jambe. Je surveille aussi avec une attention continue le jeu des bras. J'ai remarqué qu'en l'aidant par le menton, j'affectais douloureusement les muscles de son cou. Ce sera désormais sous la poitrine même que je plaquerai solidement ma main. « Appuyez-vous ferme, » lui dis-je. Et elle s'appuie, confiante, écrase entre mes doigts ses seins délicats. Après l'exercice sur le ventre, l'exercice sur le dos, c'est notre succès. En quelques séances, nous sommes parvenus à nous étonner. « Bombez la poitrine !» Je n'ai plus le ton rogue, la mine ennuyée. Mes paroles se sont ouatées. On ne prend pas les jeunes filles avec du vinaigre. Une main sous ses hanches, l'autre sous ses épaules, je l'installe commodément sur la vague. « Vous me tenez au moins ?»« Je vous tiens. Bombez, bombez !» Et je ne la tiens plus. Elle flotte, seule, légèrement prise d'effroi, et me regarde avec de bons gros yeux doux qui implorent, le souffle mesuré selon mes ordres. Je m'éloigne un peu, et je fais signe à M. et Mme Vernet. « Mon œuvre !» Il sourit. « Voilà du merveilleux !» Mais ce n'est pas tout. Je saisis avec précaution dans mes mains les pieds de Marguerite, et je les pousse, évitant les heurts, les crêtes de vagues. Elle navigue comme un radeau, comme sur des roulettes, et ferme les yeux sous un rayon de soleil. Nous nous promenons ainsi le long du rivage. Nous excitons l'admiration, l'envie, et je suis persuadé qu'autour de nous on se retient pour ne pas applaudir. Dès que Marguerite s'oublie et se creuse, « Bombez où je lâche tout ?» Elle se cambre d'épouvante, la tête enfoncée, la ligne de flottaison au coin des yeux et des lèvres, les seins et le ventre à fleur d'eau. Si elle était plus pâle, si ses cheveux se dénouaient, si ses mains ne flattaient pas la vague près de sa hanche, comme le dos d'un animal qu'on sait méchant, j'aurais l'air de ramener Virginie morte à ses parents. Moi, je ne pense pas mal, et elle ? Du bout des ongles, je fais « guili-guili » à la plante de ses pieds. Aussitôt, elle m'échappe, agite les bras, veut s'accrocher à quelque chose et disparaît. Quand je l'ai relevée et qu'elle a rendu avec effort toute l'obus, « Je ne veux pas que vous me fassiez des chatouilles » crie-t-elle. « Chut » dis-je, « taisez-vous. » Mais, frémissante, comme une vierge de chapelle qui s'animerait tout à coup sous la piqûre d'une araignée, par son attitude, elle redouble ma confusion. Chapitre 50e, en sourdine. C'est, sur la butte, Madame Vernet qui doute. Lasse, Marguerite est allée se coucher. Je dis avec chaleur combien je suis fier de son application et de son travail. Monsieur Vernet fait les 10 pas et fume. Sa cigarette scintille dans l'ombre éclaire ses moustaches, son nez. Henri. Voilà une réticence significative. Ce m'en fait deviner long. Trouveriez-vous mon enseignement médiocre ? Madame Vernet. Je ne dis pas cela. Monsieur Vernet. Alors qu'est-ce que tu dis ? Depuis quelques jours, tu fais ta mystérieuse tête de bois. Pourquoi ? Madame Vernet. Ne suis-je pas un peu la mère de Marguerite, mon ami ? Monsieur Vernet. D'accord. Ensuite, te déplaît-il maintenant qu'Henri lui donne des leçons de nage ? N'avions-nous pas réglé cette question d'une façon définitive, sous le double rapport de l'hygiène et des convenances ? Madame Vernet. Sans doute. Et bien que j'entends, moi, femme de l'oreille plus fine que la vôtre, des mots à double sens, malicieux, ce n'est pas cela qui m'inquiète. Et je ferais volontiers fi des médisances. Si Marguerite ne prenait ses leçons, je voudrais me tromper, mes chers amis, avec un peu trop d'ardeur. Nous ne répliquons rien, intrigués. Madame Vernet continue. Elle a produit son effet et laisse tomber sa phrase comme un conte-parole. Madame Vernet. Encore une fois, il est possible que je voie mal, que ma sollicitude trouble ma clairvoyance. Mais j'ai noté dans ma chère nièce un changement, un je ne sais quoi de nouveau qui m'alarme. Et j'ai voulu en causer avec vous amicalement, avec toi, Victor, qui est un homme de bon sens, avec M. Henri, qui n'est pas un fat. M. Vernet. Bon, tu rêves, laissons cela. Henri. Parlons-en, au contraire, c'est grave. Alors, vous croyez, chère madame ? Madame Vernet. Je n'en suis qu'aux faibles indices. Je ne veux rien affirmer. Je désire seulement que des précautions soient prises s'il vous paraît qu'il y a péril. Raisonnons, cherchons ensemble. Nous nous asseyons à côté d'elle, sur le banc, sérieux. Madame Vernet poursuit l'information et sa voix tremble. Elle affecte une grande liberté d'esprit, tâche de discuter sans prévention et se montre à propos optimiste. Madame Vernet. Je ne parle pas du plaisir qu'elle éprouve à sa gymnastique de chaque matin, c'est naturel. Mais quand nous allons à la pêche aux crevettes, n'est-elle pas toujours près de M. Henri ? Elle le suit, de rocher en rocher, de mare en mare. C'est au point qu'elle promène son filet à l'endroit même où M. Henri a déjà fait passer le sien. Cependant, elle est sûre de n'y trouver aucune crevette, puisque M. Henri les a toutes prises. M. Vernet. Possible. Henri. N'ai point observé ça. Madame Vernet. M. Henri, vous êtes dans votre rôle de jeune homme, on n'a rien à vous dire. Mais quand nous cherchons des coquillages, c'est plus frappant. Vous vous traînez côte à côte, genou à genou. Vos deux fronts se touchent. Avez-vous assez de coquilles ? Elle n'en veut plus. Si vous en ramassez, elle se remet à quatre pattes. Comment expliquez-vous cela ? M. Vernet. Par sa naïveté. Henri. Moi aussi. Madame Vernet. Donnez-vous la peine de voir ce qui est aveuglant. Si vous dites des vers, elle ouvre la bouche, fascinée, le temps que ça dure. Elle en est laide, la pauvre petite. Ne s'est-elle pas permis de déclarer qu'elle les aimait ? À 16 ans ! Quand vous partez et que raisonnablement elle ne peut pas vous suivre, sa figure se décolore, comme si, d'une passe magnétique, vous lui aviez enlevé son teint de fille rouge qui a un coup de sang, qui a des habitudes d'ivrognerie. Je ris, tant c'est bête. Henri. Vous me confondez, bonnement. Monsieur Vernet. C'est drôle. Madame Vernet. J'achève. Répondez-moi, sincère. À chaque instant, je suis obligé de l'appeler, de courir après elle, pour compter le linge, m'aider au ménage. Marguerite devient stupide. Un détail encore. Hier, à déjeuner, je vous ai donné un coup de serviette sur la tête en vous disant « Faites donc couper votre barbe, vous êtes horrible à voir. » « Je ne trouve pas, » a dit Marguerite sournoisement, le nez dans son assiette. « L'avez-vous entendu ? Mes bras en sont tombés. » M. Vernet. « Un mot, ou ce que tu nous racontais faux, et tu chantes, ou c'est vrai, et dans ce cas, qu'importe, Henri est un honnête homme. » Madame Vernet. « Il ne s'agit pas de M. Henri. » Il n'est pas en danger. Il a ce qu'il faut pour se défendre. Il ne m'a pas chargé de le surveiller et il pourrait me faire sentir poliment mon indiscrétion. Je ne songe qu'à cette petite Marguerite qui, sans s'en douter, la pauvre, s'est peut-être, je le crains hélas, irrémédiablement compromise. M. Vernet s'épanouit au clair de lune. Une idée lui est venue dont il nous fait part. Si Marguerite est compromise, nous les marierons. Mon gaillard, répondez. Je m'en garde. Et me dandine gauchement. Madame Vernet. Victor, on ne peut pas parler gravement avec toi. Elle s'appuie du coude au banc, boudeuse. Monsieur Vernet. Pour l'ail et la taille, ils iront. Je les vois descendre les marches de Saint-Augustin. Marguerite a de la fortune pour deux. Madame Bernet. Heureusement, M. Henri a de la fierté. Elle vibre comme en communication avec une pile et se tourne de mon côté afin que je reçoive l'éloge en plein visage. Monsieur Bernet. N'apporterait-il pas son talent, son avenir? Madame Bernet. Si tu crois qu'il faut à Monsieur Henri une femme de ce genre. Monsieur Bernet. Elle en vaut une autre. Madame Bernet. Est-ce qu'elle le comprendrait? Comme corps, c'est un paquet. Comme intelligence, tranchons le mot, c'est une bûche. Monsieur Bernet. Je te trouve sévère. Mais il est certain que si tu la déprécies, tu en dégoûteras Henri. Je me balance toujours en ricanant, et j'attends que quelqu'un de bonne volonté me souffle une réponse, dépité parce que je dois refuser le gâteau qu'on m'offre. « Venez à mon secours, » dis-je à Madame Bernet. « Véritablement, » dit-elle à M. Bernet, « vous me stupéfiez par votre légèreté. Vous jetez votre nièce dans les bras de monsieur, et j'en rougis pour vous. Je m'étonne que vous osiez employer ce procédé devant moi. » M. Bernet. « Ne te fâche pas, on ne peut plus rire. » Madame Bernet, qui s'est élevée dans son indignation, se rassied et les mains jointes. « Pauvre petite Marguerite, » dit-elle avec un commencement de sanglots. « Monsieur Bernet, est-ce qu'elle va pleurer ?»« Mais Blanche, tu sais que je ne veux pas te contrarier. » Il lui prend les mains, elle les retire, se tord les bras et se renverse en arrière. « Monsieur Bernet, ce n'est rien. Ne perdons pas la tête, ne perdons pas la tête. » Il la perd, car on dirait d'une femme qui se trouve mal qu'elle se meurt. Comme c'est ma première crise, je me demande ce qu'il faut éprouver. Voulez-vous que j'aille chercher de l'eau ? Monsieur Bernet. Restez plutôt. Empêchez-la de se briser contre les murs. Je crois qu'elle a un flacon dans son sac de voyage. Il nous laisse. Madame Bernet enfonce ses ongles dans son corsage pour le délivrer, mettre à l'air sa poitrine, que la dyspnée en serre. J'écarte ses bras qui se referment et je l'appelle haut. « Madame, madame !» Et bas, « Ma chérie !»« Je vous en supplie, » dit-elle. « Bien que vous soyez libre et que je n'ai aucun droit sur vous, montrez-vous plus retenu, plus réservé, plus froid avec Marguerite. » Henri, « Je voulais détourner les soupçons. » Madame Bernet, « Non, non, vous allez trop loin. » Comme je me penche sur elle pour mieux entendre, vous aurez votre récompense. Monsieur Bernet apporte le flacon. Madame Bernet, inutile, pas besoin, rentrons. Monsieur Bernet, il faudra l'emporter. Madame Bernet, je marcherai seule, la main sur ton épaule, mon ami. Elle essaie de se redresser et retombe de nouveau, sanglotant à petit bruit. Monsieur Bernet, il faut absolument l'emporter, le moindre effort l'achèverait. Henri, je suis de votre avis. Il la soulève par les épaules, je prends les pieds, et je ramène, par pudeur, la robe jusqu'aux chevilles. Monsieur Bernet, doucement. Henri, soyez tranquille. En canne, presque assis, le premier, je descends l'escalier à reculons avec un temps d'arrêt à chaque marche. Monsieur Bernet vient ensuite, et de ses bras robustes supporte le précieux fardeau. Nous n'allons pas vite, mais nous maintenons le corps en pente, les pieds plus bas que la tête. C'est l'essentiel. Madame Bernet pleure faiblement, continuellement. Monsieur Bernet, prenez garde. Henri, n'ayez pas de crainte. Pour monter à la chambre, nous changeons de position. À son tour, Monsieur Bernet marche à reculons. Il fait nuit, mais les tournants de l'escalier nous sont connus. Enfin, nous arrivons sur le palier. La lune nous éclaire maintenant. Monsieur Bernet remplace une de ses mains par un genou, ouvre la porte, et nous déposons Madame Bernet sur le lit. Elle pleure toujours et se laisse faire. Henri, faut-il allumer une bougie ? Monsieur Bernet, pourquoi ? Il a raison. La lune entre par les deux fenêtres à flots lumineux et blanchit nos visages. Monsieur Bernet, aidez-moi. Il défait le corsage, je délasse les bottines. Au corset, Monsieur Bernet s'embrouille et le coupe. Henri, faites attention. Monsieur Bernet, il n'y a pas de danger. Je glisse les bottines sous le lit. « Couchons-la ainsi, » dit M. Bernet, pris d'une hésitation soudaine. Tandis qu'il soulève Mme Bernet, je tire la couverture. « M. Bernet, elle dort déjà. » En effet, Mme Bernet a les yeux fermés, mais des larmes luisantes filtrent au bord des paupières. « Henri, et vous, qu'allez-vous faire ? » ?»« M. Bernet, je ne veux pas la déranger. Je passerai la nuit dans ce fauteuil. » Harassé, tout patraque au moral et au physique, il s'y laisse tomber. Voulez-vous que je veille avec vous ? Monsieur Vernet. À quoi bon ? C'est fini. Allez vous coucher. Je jette un dernier coup d'œil, et à pas de loup, marchant sur les rayons de lune comme sur la queue d'une robe de mariée, je ferme les rideaux des fenêtres, puis, dans l'ombre, « Bonne nuit, Monsieur Vernet. » Monsieur Vernet. « Bonne nuit, Henri, et merci. » Henri. « Oh, de rien. » Chapitre 51, dernière séance. J'ai promis d'être froid. Je fais de grands efforts quand nous entrons au bain. Je m'éloigne de Marguerite, le corps en arc, pour lui donner la main, et nos bras tendus forment pont. Dès qu'elle caracole de droite et de gauche, je l'apaise d'une pression de doigts. Je connais mon élève dans les coins. Avec quelques défauts, c'est une belle fille, et comparée à la sienne, mon académie est bien vulgaire. Elle pose ses pieds nus sur les galets sans pousser de petits cris. Elle n'a pas le coup de pied fort, mais la mobilité des doigts me divertit. Ils lui obéissent. Elle les ouvre, les ferme, lève celui-ci et tient les autres baissés, prend un caillou au fond de l'eau et le rejette sur le rivage. En un mot, les fait manœuvrer comme des doigts de main. C'est très curieux. Elle offre d'autres particularités. Mon toucher, dans ses promenades, découvre des choses. Je m'instruis en palpant. Comme le costume de Marguerite se divise en deux, ma main se glisse entre la veste et le pantalon. Des vertèbres ressortent dont je sens les nodosités. « Mais creusez donc les reins, » lui dis-je. Elle me répond, la bouche pleine d'eau, « Peu pas plus. » Je pèse sur l'épine, vainement. Sa colonne vertébrale est ainsi. Avec un plaisir qui se renouvelle, je constate, chaque matin, la présence de ces éminences osseuses, dirait un anatomiste. Je retourne Marguerite sur le dos. Autre surprise. De son ventre s'échappent des espèces de borborygmes voulus. Je veux dire que ces grondements se produisent à mon commandement, pour mon plaisir. « Comment faites-vous ? » « C'est pas, » dit-elle. « Faites voir encore. » « Voilà. » Et par un simple mouvement des hanches, elle déplace en elle comme une masse d'eau roulante dont les sonorités vibrent à mon oreille collée sur l'eau, agréable, presque musicale. « Mademoiselle, je réclame le jeu du coude. » Il consiste à ployer le bras indifféremment du côté de la saignée et en sens inverse. La charnière est mobile en dedans et en dehors. Cette dislocation m'impressionne et je crie « Assez, assez !» comme les gens nerveux qui voient faire du trapèze volant dans un cirque. La vague est méchante ce matin. Marguerite se serre contre moi. Le flot l'affole comme si on lui donnait le fouet avec une serviette mouillée. Elle sursaute et des mains s'accrochent à mes épaules. Il me faut la renverser sur l'eau et l'y maintenir. Penché sur elle, haletant, la cuisse sous ses reins, la séparation du costume est abolie. C'est sa chair que je sens adhérente à la mienne, et nos membres nus se croisent. Ce que fait ma main, je ne le sais plus. À l'approche d'une vague, je porte Marguerite dans mes bras, et la vague nous roule. Des goémons, des herbes jaunes, des débris, des bavures de mer flottent autour de nous. J'éprouve une joie à compromettre une vierge. L'homme quelconque qui la possédera plus tard, croyant être le premier, ne viendra qu'après moi. Il aura le reste, si peu que s'il savait qu'elle a été ma part, il ne voudrait plus de la sienne. J'étreins une belle fille élastique et tendre, et flambant, en sueur, je redoute une congestion cérébrale. « Vous allez vous noyer !» crie Madame Vernet, qui prend un bain de sable. La plage s'émeut. Mes yeux, brouillés, piqués de sel, la voient confusément s'agiter. Il me semble en outre que nous sommes au milieu d'un orage de vagues électriques phosphorescentes. Elles moutonnent, s'entrechoquent, se brisent en claquant et nous jettent dans les oreilles, dans la gorge, leurs éclaboussures écœurantes. L'une d'elles, l'écume en avant, chien furieux qui montre ses dents, fond sur nous. C'est exaspérant ce corps à corps. Les curieux ont formé cercle et attendent un naufrage. Monsieur et Madame Villard se réchauffent sous un même peignoir et nous suivent d'un regard de langueur. Enfin, titubant, comme empêtré d'ouate, j'entraîne Marguerite et nous nous sauvons à notre cabine. Contigus, nos deux compartiments communiquent par le haut. Grelottant de fièvre plus que de froid, les dents chantantes, je veux, à la force des poignets, me hisser pour voir. Mais mon front dépasse à peine les planches de séparation que Marguerite crie. « Ne me regardez pas, vous savez, vous. » Encore, quelle petite bête. Je saute sur le plancher, j'ouvre violemment la porte, et avec un balai de varech, je rassemble soigneusement, en tas, Le gravier part dans ma cabine et je le pousse dehors, sans hâte, très calme, tout à ce que je fais. J'espère donner le change. Habillés, nous nous couchons sur le sable. Le spectacle est terminé. C'est l'instant où les costumes tordus pleurent toutes les larmes de leur corps. Des mains jonglent, jouent aux osselets avec des pierres polies. Les corps s'imprègnent de soleil et de paresse. Tout à l'heure, le sang aux yeux, je voyais rouge. Ces gens dansaient frénétiques, en rut. Les voilà au repos, et je goûte une tranquillité profonde. J'ai mes crises comme vous, Madame Bernet, mais j'en viens à bout. C'est fini, ne vous fâchez pas. Ne vous fâchez pas, Marguerite. La tentation était forte. Je me suis cru en partie fine, dans une baignoire. Mais vous avez de la chance, je suis un brave garçon. Ne vous fâchez pas non plus, Monsieur Vernet. Je respecte tout ce qui vous est cher. De quelque côté que j'aille, il y a danger. J'aime beaucoup votre femme et votre nièce, mais mon bras paralysé refuse d'atteindre au bonheur. Je fais un rêve et je me dis « Cette fois, ce n'est pas un rêve. » Et toujours c'en est un. On déserte la plage. Des clés grincent dans les serrures rouillées. Des gens qui souffrent disent « J'ai faim, le bain creuse. » Et s'en vont à pas lents, emportent leur appétit, objet fragile, et tremblent qu'ils n'échappent. Nous revenons à la maison par le petit mur qui endigue la plage. Je marche derrière mes amis et je porte les ombrelles. La chevelure de Marguerite est répandue sur ses épaules, si épaisse qu'elle ne cesse pas d'être mouillée durant la saison. Il s'en dégage une odeur indéfinissable, un peu de flaque de rocher qui s'évapore au soleil, et même un peu de boue. Je soupèse les tresses légèrement gluantes, et quand Madame Vernet se retourne, je mets ma main dans ma poche ou derrière mon dos avec la rapidité d'un pickpocket surpris et qu'on offense. Chapitre 52. Le demi-viol. La bêtise est faite. En 5 minutes, j'ai stérilisé les efforts patients de plusieurs mois. Ma place était en ciment. Monsieur Vernet, de son aveu, ne pouvait plus se passer de moi. J'ornais l'esprit de Madame Vernet comme un jardin anglais, et son cœur était plus rempli qu'un colombier de roucoulements. Marguerite m'amusait, j'ai cassé le joujou. On va me gronder, éclater, et je courberai bas ma tête. Comment ai-je fait mon compte? Ma faute m'humilie comme une faute de style, je me trouve imbécile, grossièrement attrapé. C'est le jour des régates, la grande fête de Taléou. Les mortiers ont tonné. Les marins sortent de l'armoire d'extraordinaires chapeaux de forme qu'ils portent aux premières communions, au mariage et parfois le dimanche quand la pêche de la semaine a été bonne. Les vieilles femmes ont des journaux neufs pour se garantir du soleil. Les mâts agitent leurs drapeaux, ont balancé à la mer le canot de sauvetage. Le brigadier de la douane mettra en joue le fusil porte-amarre. Des courses auront lieu de nageurs, de voiliers, de canards, en sac, à dos d'âne. Des gymnasiarques feront le soleil, et des tas de résines également espacées sur la jetée attendent que la nuit vienne. Taléo fait briller ses maisons blanchies par le sel de mer. Nous avons invité à déjeuner les pêcheurs creuses. La femme ne touche à rien. Le mari mange sans s'arrêter. Il a mis sa serviette par terre. « Mais c'est pour vous. Jamais je ne m'en sers et je veux pas la salir. »« Tais-toi, grand niais, » lui dit sa femme. Elle a enfoncé la corne de la sienne dans sa gorge et le bout des doigts sur la table. Elle se tient raide comme une chaise, le nez remuant, les yeux en tête d'épingle. Cruse taille au creux de son pain de petits cubes de mie qu'il trempe dans sa sauce et qu'il y tourne longuement, entêté au nettoyage de son assiette. « Finis donc, mal éduqué !» lui dit sa femme. Elle sait que dans le grand monde, on ne vide pas son verre et qu'il faut laisser de la viande après les os. Quand on veut changer l'assiette de Cruse, il proteste et le plaque sur son estomac. « Non, non, elle est point sale. » « Ça vous donnerait de l'embernerie. »« Qu'est-ce que ça te fait ?» lui dit sa femme. « C'est pas toi qui les laveras. » Elle donne la sienne sans regret et essuie avec son tablier celle qu'on lui rend. Cruse dépose une pincée de sel sur la nappe, l'écrase par habitude, bien que ce soit du sel fin, et passe dessus, comme des langues, une à une, ses feuilles de salade. « Guettez, guettez le salaud !» dit sa femme, qui tâche de piquer un morceau de beurre avec sa fourchette. « Il faut que je vous en envoie une rognure, » dit Cruse en se levant. « Vas-tu t'asseoir effronté ?» crie sa femme. Mais lui, qu'incline de droite et de gauche le poids de la nourriture et du vin, « Tu chanteras la tienne après. » Il commence d'une voix endormie, les yeux baissés, bas la mesure du pied, du coude, avec son couteau, triste, triste, et s'arrête, dématé, vent debout, perdu au milieu des mots, en plein air, mais têtu. « Allons préparer les lanternes, » dis-je à Marguerite. On nous a chargés de ce soin. Au bout de l'escalier, je lui donne la main, ainsi qu'à une fiancée. Elle entre dans ma mansarde. Elle n'y est jamais venue. Ouvre mes livres, s'assied à ma table et trouve qu'elle ne pourrait pas écrire droit avec un pareil porte-plume. Le mauvais cidre me porte à la tête. Je vais accomplir, en inconscient, quelque chose de malpropre et de banal. Je ne prononce pas une parole. Marguerite ne recule pas. Sans l'effarement de ses yeux, le feu de ses joues, je la croirais indifférente. Elle me rend mes baisers par politesse, peut-être, ou par peur. Elle obéit et subit. Elle m'embrasse, comme au bain elle arrondissait les bras, à mon ordre. Ce n'est d'abord pour elle que la continuation de mes attouchements. Je glissais ma main dans l'ouverture de son costume, et voilà que je la porte sur le lit, la couche, la dévêt. Elle ne sait pas. Je vous dis qu'elle ne sait pas. Elle attend et tremble un peu. Pourquoi ai-je commencé ? Quel est cet appétit de chair qui m'a pris soudain et qui s'en va avant d'être satisfait ? Que de fois, quand j'errais les pieds fatigués sur les trottoirs, indécis, le sang chaud, accroché à des filles comme à des buissons, il m'est arrivé d'en prendre une sans examen, par coup de tête, et de le regretter aussitôt. Je la suivais, parce que je n'osais pas retourner en arrière, sous les regards de tous, et monter, je serais parti tout de suite, si elle avait voulu me rendre mon argent. Pauvre Marguerite, nous sommes lugubres. Semblable à une bête sacrifiée, elle me regarde avec une expression d'étonnement navrante. Elle n'est plus la forte fille des empoignements athlétiques, des courses désordonnées. Elle est un tout petit enfant que je brutalise. Au début, la douleur la fait crier. « Que j'ai mal, que j'ai mal !» J'appuie deux doigts sur sa bouche. Je ne pensais pas qu'elle pût souffrir réellement, et je me rappelais des viols de littérature dont les victimes s'aperçoivent à peine. Quelques-unes disent « Maman !» et c'est tout. Le lit se trouve près de la fenêtre. En levant la tête, je vois le jardin. Monsieur et Madame Vernet sont accoudés à la barrière et font avec le maire des projets d'illumination. Marguerite pousse un cri si inattendu que je n'ai pas le temps de le rabattre avec la main comme on ferme sur un oiseau la porte d'une cage. « Tu souffres donc ?» Elle est pâle à m'épouvanter. Oh, la résistance de cette chair tendre! J'ai honte de mon inexpérience, comme un interne qui fait sa première opération sur un corps vivant avec des outils qui ne coupent pas. « Je n'en peux plus !» crie Marguerite. « Vous allez donc me tuer ?» Elle ne me repousse pas, mais se crispe, se tord. « C'est trop. Je me rends aussi, moi, je me retire. Entendez-vous, lâchement, je me retire. » Les gros yeux doux de Marguerite me remercient. J'ai près d'elle l'embarras d'un domestique qui a laissé tomber un bibelot de sacs et oublie de le ramasser. La chère petite n'est pas brisée. Souffres-tu encore ? Oh non ! Tu ne m'aimes donc pas ? Oh si ! Voudras-tu être ma femme ? Il est un peu tard pour lui parler de mon amour, après, en lui préparant un verre d'eau sucrée. On entend la voix de M. Vernet. Et c'est Lampion ? Tandis que j'en arrange. Ça doit être mal ce que nous avons fait là. Me dit Marguerite, comme l'autre. « Non, on ne fait rien de mal avec son mari. Seulement, on ne le raconte à personne. À personne, jamais, c'est juré. Essuie tes yeux, vite. Car tout de même, nous pleurons. Je pleure avec elle comme avec l'autre. Mon cœur de picassiette s'emplit et se vide ainsi que les gobelets des fontaines publiques. » Chapitre 53e. Animal triste. Le bateau glisse sous l'impulsion régulière de ma godille, loin du bruit de la fête. Un pêcheur qui vient de poser ses clés pour la nuit me crie « Dépassez pas les balises, il y a du courant, vous pourriez point revenir !» Les bouées blanches ou noires tirent sur leurs chaînes qui grincent. Au bout d'une balise, un cormoran endormi digère. Qu'est-ce que j'aurais de mieux à faire ? Gagner le large ? Me perdre ? Combien de temps Marguerite se taira-t-elle ? Si elle parle, quel scandale ! Sans doute, elle ne peut plus appartenir qu'à moi. Je suppose que M. Vernet dise « C'est un garçon un peu pressé. » Mme Vernet dira « C'est un misérable. » Donne-t-on sa nièce à un misérable qu'on aime peut-être ? Enfin, je ne me sens pas du tout mariable. Des transes couleurs de rouille s'amoncellent en mon esprit et j'appréhende l'orage. je frôle des rochers qui portent des noms redoutables. Depuis l'éternité qu'ils sont là, chacune de leurs pointes a peut-être troué un ventre de barque. Parfois un choc me déséquilibre, jette ma godille à l'eau. Je mouille mon front, mes tempes, et mon envie se passe de m'égarer sur la mer. J'ai l'œil sur les balises, prêt à virer de bord. Des mouettes effarouchées s'éparpillent dans l'air comme des papiers. Je fais des projets et m'arrête à celui dont la banalité me garantit la réussite. Mon bateau, plus léger, retourne au port. Je fouille du plat de ma godille l'eau résistante. Un peu étourdi par le balancement, je me récite des vers. Et n'ayant rien de bon à me dire, je demande à mes poètes préférés de penser et de parler pour moi. La vague s'amincit, le bateau aussi à peine. Mon cœur, un instant soulevé de dégoût, retombe et se repose. Chapitre 54e, le départ. Montrant ma fausse dépêche, j'ai dit à Madame Vernet « Peut-être reviendrai-je dans 2 ou 3 jours, en tout cas, à Paris. » Et à Marguerite « Attends-moi. Silence. » Mes amis me reconduisent à la gare. Seul, M. Vernet a gardé sa présence d'esprit. Il s'occupe de ma malle et prodigue les recommandations pour le trajet. « Je prends les devants, » dit-il. Silencieusement, nous longeons le port. Parfois un soupir s'exhale. Je regarde obliquement les choses que je quitte, les barques bercées, les bouées flottantes, le ressac de la mer, les vieux marins assis autour du bateau de sauvetage et dont les yeux continuellement secrètent la châssis. À la gare, M. Vernet me remet un billet de première. Je veux chercher dans ma poche. « Laissez, je vous prie. »« Oh, M. Vernet, vous me remercierez en nous revenant le plus tôt possible. » Il ajoute, comme je serre le billet entre les feuillets d'un calepin, « Moi, je fixe toujours le mien à mon chapeau. Je n'en ai jamais perdu, et c'est plus commode pour le contrôleur. Ah, j'oubliais votre bulletin. » Il va et vient à grands pas, donne des avis, interpelle, s'agite sans parvenir à nous communiquer son entrain. Nous sommes arrivés trop tôt, et comme chacun tient à garder ses pensées pour soi, il nous faut lire les affiches, les arrêter, nous promener devant le petit jardin de la gare, fleuri de réséda. Enfin, le mécanicien dit « Je vais chercher le cheval. » Le cheval vient, joyeux, siffle bruyamment, fait sous lui, dans ses roues, une fumée blanche qui monte et l'enveloppe. « Vous avez le temps, » dit un employé. Des paniers de congres se rangent encore dans le wagon de marchandises, et de petites corbeilles d'osier, berceaux minuscules où des homards, des brèmes, des poissons délicats dorment sur un lit de fenouil frais. Une femme accourt et fait des signes. « C'est toujours la même chose, donc ?» Plus le chef de gare attend, plus les expéditeurs se font attendre, et le meilleur moment est le dernier. Ils n'en finiront pas. Je voudrais un arrachement brusque. On me tiraille avec des précautions superflues et des reprises douloureuses, une épine enfoncée profondément. Je monte, pour prendre un coin, dans mon compartiment de première, enclos, à l'économie, entre 2 secondes. « Pressez pas, » dit l'employé. « Ah, je m'attellerai au wagon. » « Marguerite voudrait embrasser son professeur, » me dit M. Vernet. « Je n'osais pas le demander, » dis-je en descendant. Marguerite me rend mon baiser sur les 2 joues, en camarade, en fiancée tranquille. « Il faut que je vous embrasse aussi, M. Vernet. »« Roublard, pour embrasser ma femme ensuite. Blanche, laisse-toi faire. »« Même, » murmure-t-elle si bas, que je devine le mot à peine distinct de son haleine, et je souffle entre mes dents. « Oui. » « Messieurs les voyageurs, en voiture !» crie l'employé, qui donne toute sa voix en notre honneur. Par la portière, que M. Vernet tient à fermer lui-même, nous échangeons de longs regards. Marguerite est rose, Madame Vernet un peu pâle. M. Vernet, avec une amabilité inlassable, me répète que j'arriverai à Paris à 1h15. Il me blâme de n'avoir pas emporté un petit pain. Des souhaits pour le voyage, des serrements de main et ses regards si longs, si doux. Puis, un sifflement, un ébranlement, une agitation de tête et de mouchoir, une immense tristesse. Chapitre 55e, adieu. Installé, les jambes allongées, le coude dans l'embrasse, tandis qu'au passage du train les pommiers courent, des poulains s'effarent, des perdrix s'envolent, moi, je me sauve. Il était temps. Le désastre aurait éclaté. Entre 2 excitants également imprenables, je perdais la tête. Mes amis m'ont donné ce qu'ils avaient de meilleur en eux. ils sont bons maintenant à mettre dans des mémoires. Afin que Marguerite m'oublie, on lui achètera un poney, propre à la selle. Le premier amour d'une jeune fille se passe en exercice, et le dernier d'une femme mûre en parole. Madame Vernet sera sage et dira « Je remercie le hasard qui me l'avait envoyé et me le reprend. Notre brève aventure se termine bien. Une femme honnête n'en rougirait pas. » Je souffrais des nerfs, de la sensibilité. Il se calme. Je connais au fond de moi un coin rafraîchissant où je pourrais me retirer loin de mon mari quand j'aurais besoin d'être seule. Il faut des souvenirs à une femme qui vieillit. J'en ai fait ces temps-ci provision. J'étais tenté de me mettre au café, et je vois que je me contenterai d'un canard. Ainsi songera Madame Vernet dans une buée de mélancolie. C'est M. Vernet qui me regrettera le plus à cause de l'argent qu'il m'a prêté. Comme c'est bon d'avoir la conscience à peu près nette, car enfin j'aurais pu mal agir, déchirer jusqu'au cœur ce que je n'ai qu'égratigné. J'entends alors M. Vernet. Vous êtes l'amant de ma femme, et vous êtes l'amant de ma nièce. Je sens sa lourde main sur mon épaule. Oh, je me forme petit à petit. L'humeur et le pays parcouru changent. Chacun des ressauts du wagon casse un des fils qui me retenaient là-bas. Celui-ci me mettait en communication avec l'amour gris-tendre de Madame Vernet, celui-là avec l'innocent éveil de cœur de Marguerite, cet autre avec les bons repas, la table, le lit hospitalier. Tous se brisent. Les bouts s'accrochent à mon âme, et je pourrais la secouer comme un tablier de couturière. Mes chers amis, une dernière fois merci et adieu. Il ne me reste plus qu'à me coller au dos cette étiquette trouvée dans le journal des Goncourt, à céder à un parasite qui a déjà servi. Ainsi s'achève Les Cornifleurs de Jules Renard.